juste une goutte. Pas besoin de plus pour se sentir mise à nu, vulnérable, exposée ou sauvée. Pas besoin de plus pour être fascinée, effrayée, horrifiée ou galvanisée. Pour y voir le principe de la vie ou le signe de la mort. Pour croire en Dieu ou y percevoir le mal. Pour être dégoûtée ou assoiffée. Pour être viril ou lâche, féminin ou masculin, vengeur ou frère. Et oui, pas besoin de plus qu'une toute petite goutte de sang. Peu de liquide ont ce pouvoir d'être plus qu'un fluide, et d'une seule goutte libérée, un flot de sens. Le sang en fait partie, ou plutôt en est la seule partie, un tout. À la vie, à la mort, allez le sang! Pas de sang. Pas de sang. Pas une goutte de ce liquide visqueux, tachant et compromettant. Rien. Vous savez ce qui arrive à un homme qui cherche du sang? Quoi? Ben, il en trouve. Maman! Oh, mon Dieu! Maman! Ce sang! Tout ce sang! Maman! Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie! Ceci mon sang versé pour vous. Boire le sang de ces chiennes me fait crever. Pas de sang. Quelle merveilleuse idée. Elle nique sa mère, on fait bagarre sur le parc. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Allez le sang. Allez on nique. Bonjour Salvatore D'Onofrio. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Palerme. Vous êtes d'ailleurs à Palerme en ce moment même? Je suis à Palerme où il y a un vent terrible. Ah bon, d'accord. Eh bien écoutez, ben, moi je ne sais pas trop là. Il fait gris en tout cas à Paris, voilà. Vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Vous êtes chargé de cours à l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis vous êtes l'auteur des Fluides d'Aristote, les sang et sperme dans l'Italie du Sud, paru aux éditions Les Belles Lettres, collection Vérité des mythes. Première question, est-ce que la particularité du sang, qui est d'être un principe vital, est d'emblée d'être plus que ça, à savoir, selon vous, une substance qu'on manipule symboliquement? La réponse est très simple. Les fluides, en général, les fluides, dont notamment le sang, sont manipulés, sont marqués par un caractère ambivalent. Et c'est cette ambivalence qui fait que ces fluides puissent être manipulés du point de vue symbolique. Donc, on comprend pourquoi les fluides vitaux, le sang, le lait, le sperme, notamment à l'époque de l'événement du sida, se sont transformés en fluides de mort. Et qu'est-ce que ça veut dire de manipuler symboliquement? En fait, on manipule, on va plutôt dire, des objets qui sont concrets, matériels, physiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une manipulation symbolique, et notamment dans le cas du sang? Dans le sens que c'est une manipulation faite par l'esprit. Ce n'est pas une manipulation d'objets, ça pourrait l'être. Manipuler symboliquement, ça signifie pouvoir explorer toutes les possibilités qu'un élément, un trait culturel présente et qui fait que subisse une inversion d'une culture à l'autre, par exemple. C'est la logique des mythes, la même logique des mythes sur laquelle avait travaillé Claude Lévi-Strauss. Et dans ce cas, le sang, pourquoi a-t-il une particularité dans cette manipulation symbolique? Mais le sang, parce qu'il est évident, il est tout à fait évident par rapport à notre corps, c'est-à-dire c'est parmi les fluides avec le sperme et le lait, c'est certainement celui qui offre plus de possibilités pour explorer le monde du vivant. Mais alors, aussi, pourquoi il offre beaucoup de possibilités, le sang en particulier? En particulier parce qu'on le voit sortir de notre corps, et quand il sort, ça peut être l'occasion d'un danger. On a un rapport avec le sang qui est lié directement à la vie. Mmh. Voilà, parce que lorsqu'il sort dehors du corps, signale un problème. Par ailleurs, ça se voit dans les séries télévisées, dans les films, de l'époque contemporaine où les gens se battent à mort, mais on ne voit pas une goutte de sang. Alors que dans d'autres cas, dans les mêmes séries ou dans d'autres films de l'époque contemporaine, on peut voir des gens recouverts de sang jusqu'à impressionner tout le monde. Donc voilà, ça c'est un des aspects les plus répandus, disons, dans l'imagerie du sang à l'époque contemporaine. Ouais. C'est vrai qu'il y a une omniprésence du sang qui fait qu'il est toujours plus qu'un fluide vital, qu'il est effectivement un symbole. On vient d'en parler, mais vous en particulier, Salvatore D'Onofrio, comment en êtes-vous venu, comme anthropologue, à travailler en fait sur le sang, notamment en partant d'Aristote ? Ben écoutez, mes enquêtes sur le sang ont été inspirées tout d'abord par les travaux sur les humeurs de Françoise Héritier, la grande anthropologue récemment disparue, mais aussi par une connaissance du folklore italien, et notamment de l'Italie du Sud. Mes enquêtes ont porté particulièrement sur la Sicile, sur Naples et la Calabre, mais il y a plus. Mm-hmm. Il y a plus, car, comme l'a fait justement Aristote, en fixant aussi des points de méthode importants, tout discours sur le sang ne peut être abordé qu'au sein d'un système, et notamment du système des fluides corporels qui résulte toujours et partout d'une manipulation symbolique des mêmes données physiologiques. Voilà. Et c'est ce que, qu'on peut appeler des évidences élémentaires, juste pour se reconnecter à ce qu'on disait avant. Parmi les fluides corporels, seulement le sperme et le lait, soulignons-le, seulement le sperme et le lait sont respectivement associés de manière exclusive au corps masculin et féminin d'où ils giclent. Le sang, au contraire, est commun aux deux sexes et présente dans beaucoup de cultures cette ambivalence dont on parlait avant, et une ambivalence qu'Aristote avait bien pressentie dans son traité sur la reproduction. Voilà, alors que le sang contribue à définir la dimension presque universellement masculine de la consanguinité. Chez les femmes, au contraire, le sang se substantivise, pourrait-on dire, en marquant voilà, cette condition incontournable de la reproduction que sont les mastules, parce que s'il n'y avait pas les mastules, il n'y avait pas d'ovulation. Et lors de mes enquêtes sur le sang, je me suis vite aperçu de l'importance accordée dans toutes les cultures à ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes, à savoir le rôle que le masculin et le féminin jouent dans la construction de l'identité, l'identité individuelle autant que l'identité collective, ainsi que dans la reproduction de la domination masculine. Vous voyez, les hommes ont toujours essayé de s'emparer par les rites, les mythes, par des formes d'organisation sociale, les hommes ont toujours essayé de s'emparer des puissances féminines. Par exemple, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Voilà, ça c'est une manière d'affirmer par les hommes leur domination. C'est ce qu'on appelle la domination masculine. Il n'y a pas de culture où les hommes ne font pas ça. Alors c'est... Pour en venir à Aristote, c'est justement ce paradigme qui permet de comprendre le dispositif symbolique mis en place par le Stagirite, par Aristote, dans la génération des animaux. Le philosophe ajoute d'autres positions, notamment foi chaud et droite gauche, qu'il emprunte après les avoir critiqués à Empédocle et à Anaxagore. Alors je vous propose, Salvatore D'Onofrio, d'écouter tout de suite un extrait justement d'Aristote, donc La génération des animaux, livre 4, 8, 776b, 777a, pour nos auditeurs ou auditrices qui voudraient avoir le texte sous les yeux ou s'y référer. C'est interprété ici par notre comédien Frédéric Pierrot. C'est vers la région supérieure, c'est-à-dire les mamelles, que le lait s'amasse à cause de l'agencement initial de la constitution du corps. Ce qui est au-dessus du diaphragme est en effet la partie principale de l'animal, tandis que le bas concerne la nourriture et le résidu, afin que les animaux capables de se déplacer aient en eux une autosuffisance alimentaire qui leur permette de changer de lieu. C'est à partir de là aussi que le résidu spermatique est sécrété. le résidu des mâles et les menstrues chez les femelles sont de nature sanguine. Or, le principe du sang et celui des vaisseaux est le cœur, et celui-ci se trouve dans ses parties. Que le lait possède donc la même nature que la sécrétion dont naît chaque animal, c'est évident. En effet, la matière nutritive et celle à partir de laquelle la nature constitue la génération sont identiques. Chez les animaux sanguins, c'est l'humidité sanguine, car le lait est du sang qui a été cuit sans avoir été détruit. Empédocle ou bien n'a pas compris correctement ce que c'était, ou bien a employé une mauvaise métaphore en faisant du lait au 10e jour du 8e mois du pu blanchâtre. Car pourriture et coction sont contraires, et le pu est un certain type de pourriture, tandis que le lait provient de ce qui a été cuit. C'était donc un extrait de La génération des animaux d'Aristote, interprété par Frédéric Pierrot. Alors on entend bien dans ce texte que vous venez de nous décrire, Salvatore D'Onofrio, à savoir en fait déjà le fait que le sang soit toujours compris dans un système de fluide corporel. Le sang n'est jamais seul, c'est lait et sperme. On voit bien que le sang, dans le beau passage qu'on a lu, que vous avez lu d'Aristote, le sang est au cœur de la théorie d'Aristote. Chez les femelles, aussi bien que chez les hommes, il résulte de la nourriture. En principe, il y a la nourriture pour les mâles et les femelles. Mais cette nourriture, il ne se transforme en sperme, et le sang produit par la nourriture, il ne se transforme en sperme que chez l'homme, à raison du caractère chaud de celui-ci. Chez la femme, au contraire, le sang n'arrivant pas, comme le texte l'a dit, à se transformer en sperme, ne donne que cet élément résiduel qui est le lait. En somme, grâce à leur chaleur, seulement les hommes sont en mesure de réaliser une coction et d'émettre un sperme qui est lui aussi un résidu, mais qui contient, selon Aristote, le principe, ce que lui appelle le principe de la forme. Mais on entend quand même bien dans ce texte, Salvatore D'Onofrio, déjà en fait, qui est quand même un texte assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut déjà essayer de se figurer une répartition du corps entre le sperme, le lait, la partie inférieure, le sang qui est commun au mâle et à la femelle. Donc ça déjà, c'est une première difficulté. Mais la deuxième, c'est aussi que c'est un texte qui nous semble aujourd'hui complètement daté. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on partage le sang à la fois entre hommes et femmes, mais cette répartition entre le lait et le sperme et la transformation du sang selon la chaleur ou la froideur en lait ou en sperme nous semble datée. Pourquoi en fait ce texte vous semble-t-il encore d'actualité, non pas scientifiquement, mais en tout cas imprègne encore certaines manières de voir le sang encore aujourd'hui ? Et justement parce que, comme le disait avant, non seulement le texte, comme le disait avant, il s'agit de représentations qui sont importantes du point de vue symbolique. Parce que du point de vue scientifique, il n'y a rien qui nous rapproche de ce qu'on sait du sang à l'époque contemporaine. Il s'agit de systèmes symboliques mis en place pour des raisons particulières. Une de ces raisons est certainement la misogynie d'Aristote. Ah ben vous pouvez y aller maintenant, si vous voulez. Les collègues hellénistes disent que tout le monde était misogyne dans la Grèce ancienne, mais il n'empêche que lui, il était comme plus que les autres. Et je ne suis pas un acteur, mais si vous voulez, je peux citer 4-5 autres lignes d'Aristote qui montrent justement ce que vous venez d'affirmer. Le mâle et la femelle, écrit Aristote, se distingue par une certaine puissance et un certain manque de puissance. Car, en effet, ce qui est capable de réaliser une coction, c'est-à-dire l'homme, de faire prendre forme et d'émettre un sperme qui contienne le principe de la forme, c'est le mâle. Au contraire, ce qui sert de réceptacle, mais ne peut donner une forme ni émettre du sperme, est la femelle. Comme de plus, toute coction agit pour le moyen du chaud, il est nécessaire aussi que chez les animaux, les mâles soient plus chauds que les femelles. Vous voyez, en utilisant les oppositions de chaud-froid, droite-gauche, Aristote, il en arrive à fixer le principe de la forme chez les mâles, c'est-à-dire le principe d'une domination masculine qui dure encore, voilà, bien que datée, dure encore de nos jours. Donc ce qui veut dire que la manipulation symbolique du sang dans ce cas-là, c'est notamment, sert notamment à différencier les sexes, c'est-à-dire entre Exactement. Mâles et femelles. Ce qu'on Exactement. Pourrait, d'une certaine manière, retrouver en fait avec les menstruations. Alors il n'en est pas Exactement. Question dans ce texte, mais c'est vraiment ce qui est en jeu. Non, non, mais vous dites bien, parce qu'Aristote explique la froideur des femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, froideur qui les empêche de transformer le sang en sperme, comme on l'a dit, il explique que la froideur des femmes aux pertes de substances sanguines que les femmes subissent régulièrement, pour affirmer un principe vital. Les hommes ne perdent leur sang que volontairement, au contraire, par exemple, dans les flagellations que j'ai étudié également. Or, c'est cette inégalité qui est probablement la matrice de cette valence différentielle des sexes dont parlait Françoise Héritier. Par sa théorie, Aristote, par ailleurs, contredit les conceptions populaires dans la Grèce du IVe siècle, conceptions populaires qui voulaient que le sang soit chaud. Et l'être qui en a davantage, c'est Lévi-Strauss même, c'est Aristote même qui cite ce passage, à savoir la femme est plus chaude. Et au-delà, Aristote contredit l'idée que la femelle est plus chaude que le mâle parce qu'elle a des règles. De toute évidence, c'est, comme on le disait avant, c'est en raison de sa misogynie qu'Aristote bouleverse les conceptions populaires en les remplaçant par un système symbolique visant à confirmer la domination masculine. Dans un autre passage, dont je peux vous donner la référence, allez-y. C'est le deuxième livre, 4, selon Aristote, la femelle fournit la matière et le mâle le principe créateur. Et il continue, le corps est fourni par la femelle et l'âme par le mâle, car l'âme est l'essence d'un corps particulier. Dans le chemin de la philosophie, on trouvera cette opposition âme-corps, chez les philosophes du Moyen-Âge, voilà, mais c'est Aristote qui l'avait posé en première par rapport à ce qu'on appelait la valence différentielle des sexes. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Salvatore D'Onofrio, c'est qu'on l'a entendu dans le texte d'Aristote, le sang est commun aux mâles et aux femelles. Exact. Ce qui exact. Les distingue, c'est le lait et le sperme. Mais ce qui est intéressant, exact. En fait, c'est l'écoulement du sang, volontaire ou non, qui là va effectuer ce que Françoise Héritier appelle donc la valence différentielle des sexes. C'est-à-dire que le fait de faire couler volontairement ou non son sang permet de nous situer du côté de la volonté, donc du masculin, ou du côté de la passivité et donc du féminin. Et effectivement, on retrouve cette dimension de faire couler le sang volontairement ou non encore dans nos représentations contemporaines. Exactement. Par exemple, on va dire le sang appelle le sang, ou alors avoir le sang chaud, ou alors tu es mon sang. Ça, ce sont des expressions qu'on connaît. Oui, oui, bien sûr, c'est des expressions de toutes, qui recouvrent toute l'ère romane. Et notamment, en travaillant en Sicile, j'en ai recueilli plusieurs. Vous pouvez nous en donner quelques-unes? Où on retrouve justement un caractère ambivalent, le caractère ambivalent dont il était question avant. Et en Sicile, par exemple, lorsqu'on évoque le sang de quelqu'un, son sang, c'est en particulier à sa progéniture que l'on fait référence. Et c'est encore par rapport à ses propres enfants, plutôt qu'à ses frères et sœurs, que l'on parle de sang, de mon sang. Mm-hmm. Il y a donc l'idée d'une transmission naturelle de cette substance identitaire caractérisée au masculin. Mm-hmm. Encore un exemple. Allez-y. Les hommes siciliens adressent l'expression que vous venez d'évoquer, « sangumio » en sicilien, « mon sang », en le qualifiant parfois de « doux ». Mon sang, doux. Non seulement ils adressent les hommes cette expression à leurs enfants, mais aussi à leurs fiancés et parfois à leurs femmes, comme s'ils voulaient établir une identité de substance là où le lignage considère les femmes, ces dernières, ses propres femmes, comme étant du sang étranger, car le sang d'une femme lui vient de son père. Mmh. Or, les femmes utilisent elles aussi l'expression sangumio, mon sang, pour s'adresser à leurs enfants, mais rarement, ce qui est significatif, rarement pour s'adresser à leurs conjoints. Les mêmes expressions signifient mes biens, et l'association de la même substance des fruits de la procréation, les enfants, et du travail montre ainsi que dans la culture sicilienne et dans d'autres cultures de l'ère romane, et, comment dirais-je, le sang représente la richesse, qu'il s'agisse des enfants ou d'une maison, d'une vigne ou de l'argent. Vous voyez. Oui, oui, je vois bien. Et alors surtout, ce qui est frappant, c'est que le sang, vous avez utilisé cette expression, Salvatore D'Onofrio, établit une identité de substance. Exactement. Ce qui veut dire qu'un être humain, notamment masculin, va pouvoir établir une identité de substance avec ses enfants, avec sa conjointe, la librement choisie, mais avec qui il va presque, avec laquelle il va décider un attachement naturel, mais aussi avec des biens. Ce qui veut dire qu'un humain peut être identifié de manière substantive à un objet, c'est-à-dire de nature complètement différente. Et non seulement, mais encore, l'idée de substance qui recèle le sang, on la trouve dans les expressions prononcées par la délinquance, prononcées par exemple par quelqu'un qui est à côté d'un parent qui était tué, et on dit que le sang de la victime gargouille, hein, même après une longue période, en réclamant la vengeance. Ah, que l'autre le sang appelle le sang dans ce cas-là. Exact, donc le sang appelle le sang, ou bien l'autre expression similaire, c'est le sang lave, lave le sang. Et, c'est-à-dire, pour venger à travers le sang, quelqu'un qui a fait couler ton sang dans ton camp. Voilà. Une dernière expression est par exemple est terrible. Et par exemple, je dois en boire le sang. Une expression est prononcée pour exprimer l'incorporation, le désir d'incorporer la puissance d'un adversaire, puissance, le sang recèle. Et il y a aussi, dans la même catégorie, avoir le sang chaud. Alors là, il y a quelque chose entre érotisme et cruauté. Et puis, il y a aussi, à l'inverse, avoir du sang-froid. On ne dit pas avoir le sang-froid, d'ailleurs, en français. On dit avoir du sang-froid, c'est-à-dire, en fait, faire preuve de raison, de prudence, de tempérance. Est-ce que là, on retrouve cette idée aussi du sang qui, en fait, va plus être qu'un fluide qui anime notre corps, mais vraiment qui, de la même manière que le sperme de l'homme va informer la matière féminine, là on voit bien que le sang est ce qui va informer notre identité, notre caractère. Exactement, non seulement l'identité individuelle, mais ce qui est encore plus important, l'identité collective. Mais je voudrais revenir un moment, excusez-moi si vous, allez-y. Si vous me le permettez, sur un parallèle qui est très intéressant parce qu'il se lit bien à cette question de identitaire que vous venez d'évoquer, mais aussi à ce qu'on a dit à propos de la génération des animaux d'Aristote. C'est un parallèle ethnographique qui est fait par Françoise Héritier, où on peut constater justement qu'il y a une même chaîne de pensée dans diverses régions du monde. Par exemple, elle, qui a travaillé beaucoup chez les Samo du Burkina Faso, dit qu'étant plus chaud que la femme, l'homme cuit le sang davantage, produisant ainsi du sperme, alors que la femme ne produit que du lait. Mais ça, c'est les Samo, ce n'est plus les Grecs anciennes, mais c'est exactement ce que Aristote pensait pour la Grèce ancienne. Or, un exemple, chez la femme ménopausée, chez les Samo, la femme ménopausée est chaude parce qu'elle ne perd plus son sang. En conséquence, les rapports avec son mari sont interdits, car elle apporterait de la chaleur en accumulant chaud sur chaud. La femme ménopausée deviendrait une sorcière. Oui, presque, elle pourrait brûler son mari, en fait. Exactement. Il est intéressant de signaler que les représentations du corps s'articulent toujours, presque toujours et partout, avec les données plus abstrait de la parenté, et notamment avec les données de l'alliance. Encore chez les Samo, par exemple, un enfant prend le sang de son père, donc il s'agit d'une identité multiple, parce que le sang est pris de son père et la moelle osseuse de sa mère. Et puisque la dotation du sang d'un enfant est insuffisante, il fabrique du sang toute sa vie grâce à la moelle osseuse qui bénéficient de la nourriture. Vous voyez, on retrouve chez les Samo les mêmes traits aspects, la nourriture, le sang, le sperme, le lait, qui constitue la pensée philosophique chez Aristote, ce système symbolique qu'il a mis en place. Est-ce que vous pensez, Salvatore D'Onofrio, qu'on perd quand même ce rapport-là au sang, c'est-à-dire ces représentations-là, en fait, qu'elles sont amoindries avec le temps, avec la multiplicité, justement, des formes d'union, avec le fait aussi qu'on n'ait plus tout à fait les mêmes cadres familiaux? Est-ce que vous pensez que cette importance du sang, elle s'amoindrit, ou est-ce qu'au contraire, en fait, elle est sans cesse réinvestie, mais d'une autre manière? Elle va s'amoindrir ou bien être exprimée de manière différente. C'est ce qui arrive avec les familles élargies, disons, les nouvelles formes de famille. C'est, par exemple, on retrouve la prohibition de l'inceste, là on ne s'attendrait pas de la trouver. Hein. Si vous pensez aussi, comme produit de la modernité, aux séries américaines, brésiliennes, pensez à Beautiful, par exemple, non? Mm-hmm. Ou toutes ces questions ressurgissent, reviennent. Le problème, justement, est d'en avoir conscience pour pouvoir changer les choses. Quand Françoise parlait, Héritier parlait de la valence différentielle des sexes comme étant capable d'expliquer la domination masculine, elle se posait également le problème de comment détruire la hiérarchie. Mais à partir de la connaissance qu'on doit avoir, cela va aussi pour les rituels, par exemple. Vous voyez, j'ai étudié un rituel qui se réorganise sur d'autres axes, mais qui garde toujours un noyau dur qui est donné par la tradition culturelle. Je pense notamment au miracle de Saint-Janvier. De Saint-Janvier à Naples. Oui, ça tombe bien parce que justement, on a un texte d'Alexandre Dumas qui nous raconte qu'il a assisté au miracle de Saint-Janvier. Oui. Écoutez. Sur le maître-autel était d'un côté le buste de Saint-Janvier, de l'autre la fiole contenant le sang. Un chanoine était de garde devant l'autel. À droite et à gauche de l'autel étaient deux tribunes. La tribune de gauche, chargée de musiciens attendant leurs instruments à la main que le miracle se fit pour le célébrer. La tribune de droite, encombrée de vieilles femmes s'intitulant parentes de Saint-Janvier et se chargeant d'activer le miracle si par hasard le miracle se faisait attendre. Au bas des marches de l'autel s'étendait une grande balustrade où venaient tour à tour s'agenouiller les fidèles. Le chanoine alors prenait la fiole, la leur faisait baiser, leur montrait le sang parfaitement coagulé. Puis les fidèles, satisfaits, se retiraient pour faire place à d'autres qui venaient baiser la fiole à leur tour, constater de leur côté la coagulation du sang, puis se retiraient encore, cédant la place à leurs successeurs, et ainsi de suite. Tout à coup, le prêtre éleva la fiole en l'air, criant « Gloire à Saint-Janvier, le miracle est fait !» Toute cette populace folle de joie se roulait, se relevait, s'embrassait, criant « Miracle, miracle !» et demandait pardon à Saint-Janvier, agitant ses mouchoirs trempés de larmes, des excès auxquels elle venait de se porter à son endroit. La foule se précipita vers l'autel, nous comme les autres. Ainsi que la première fois, on nous donna la fiole à baiser, mais de parfaitement coagulé qu'il était d'abord, le sang était devenu parfaitement liquide. Faccia già lo squaglio, falla falla sto miracolo. Faccia già lo squaglio, falla falla questo uomo. Faccia già lo squaglio, falla falla sto miracolo. Faccia già lo squaglio, falla falla questo uomo. C'était un extrait du Coricolo, un texte d'Alexandre Dumas que je ne connaissais pas. Chapitre 21 sur le miracle, un texte qui date de 1843, interprété par Frédéric Pierrot. On entend bien en fait en quoi consiste ce miracle de Saint-Janvier. Le sang coagulé du saint devient alors du sang liquide. Et vous avez précisément travaillé en fait sur ce rituel, Salvatore D'Onofrio. Oui. Et je me permets de traduire aussi les beaux mots de la chanson de Insuavitabile. C'est du sang, et ce n'est pas de l'eau. visage jaune, liquefeu-le, fait le miracle. Visage jaune, liquefeu-le, fait le pour ce peuple. C'est la chanson qu'on est en train d'entendre. Exactement. Et or, la description d'Alexandre Dumas et la chanson d'Insolitable nous font vivre parfaitement l'atmosphère du miracle de Saint-Janvier. Or, d'un point de vue scientifique, la question est résolue, concernant également un autre problème, qui est celui de la récoagulation du sang. Et c'est un aspect auquel on n'a pas prêté beaucoup d'importance alors qu'il en a. Reproduit en laboratoire par 3 chimistes, Garlaschelli, Ramacine et Della Sala, qui ont publié les résultats en 1991 dans la revue Nature, le miracle du Saint-Janvier s'explique à partir d'une propriété chimique de certains éléments, parmi lesquels le chlorure ferrique que l'on trouve sur les pentes du Vésuve. Or, l'assemblage de ces éléments devient fluide, voilà le miracle, lorsqu'il est soumis à une action mécanique, comme de légères secousses ou des vibrations. Puis il retourne à l'état solide s'il n'est pas à nouveau perturbé. Les cardinaux, qui tiennent dans leurs mains la fiole, savent bien manier en procession comme à l'église le reliquaire qui contient les ampoules avec le sang. Mais la réalité du miracle n'est ni scientifique ni religieuse, seulement religieuse ou scientifique. La réalité du miracle a une densité spécifique qui est d'ordre symbolique, encore une fois. Et alors, quel est le symbole ? Parce que c'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'un rituel consiste à montrer que le sang d'un saint, dès lors qu'il est montré, ou en tout cas soutenu par des prières et des incantations, redevient liquide. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage de l'état solide à l'état liquide du sang ? Dans ce passage de l'état solide à l'état liquide, on peut voir l'alternance qui, chez les femmes, fait que la vie puisse se produire. L'alternance entre un état grumeux du sang, sont les menstrues, et entre un état liquide qui peut être représenté par les femmes aussi par rapport à l'aménorrhée, ou bien par rapport à l'homme, où le sang, comme on a vu dans les expressions que l'on a évoquées, le sang coule de manière, disons, jusqu'à former une identité masculine qui s'impose par rapport à celle des femmes. C'est ce qui est intéressant dans le rituel, c'est aussi le fait que ce sang du sein a une durée qui commence au moment de sa décapitation à Pozzuoli jusqu'à l'époque contemporaine, et que ce sang, c'est important de signaler que ce sang a été prélevé du corps du saint par sa nourrice Eusebia au moment de la décapitation qui a eu lieu à l'époque de Dioclétien, c'est précisément en 304. Et donc le sang a été recueilli, c'est ça ? Alors c'est une légende ou vraiment, en fait, on va tous les ans récupérer une fiole du sang ? Pardon d'être un peu naïve, mais... Non, personne ne peut récupérer. Il n'y a que Eusebia qui a récupéré le sang du saint. Et les prières qui sont psalmodiées dans l'Église avant la procession, ces prières sont psalmodiées par des descendantes d'Eusebia, de cette nourrice de Saint-Janvier, que l'on appelle les parentes de Saint-Janvier. Alors Salvatore, on a justement, si vous voulez, on peut les écouter et vous pouvez les commenter en même temps. On a effectivement la voix de ces parentes de Saint-Janvier. On va les écouter, vous pouvez les commenter en même temps. Très bien. Saint-Janvier, qui est tout puissant, prie le bon Dieu, sauve les gens. Elle répète. La circulation avec le sang qui devient liquide. Exactement. C'est pour que le sang devienne liquide sous leurs yeux. Exactement. Et c'est pour cela qu'ils sont. Ils disent une autre. Ils disent aussi. Allez-y. Ah voilà, par ton sang et par ta tête, libère-moi de la tempête. Par ta tête et par ton sang, libère-moi tous ensemble. À savoir, le sang, le miracle du sang ne peut arriver qu'en présence du sang conservé, gardé dans la fiole, mais encore des reliques de la tête du saint qui sont mis dans un buste. Buste dont la couleur est intéressante parce qu'il s'agit d'un bronze doré, qui donne une couleur jaune, couleur à laquelle le jaune, on attribue une importance capitale dans cette histoire du miracle du sang. Et pourquoi jaune? Parce que c'est ça. Voilà, pourquoi? C'est l'insu, parce que ces femmes qui ont la possibilité de s'asseoir au premier rang de l'église, prient le saint, mais lorsque le miracle tarde à arriver, l'insultent. Ah oui? Un des insultes les plus forts, c'est visage jaune. Le même terme qu'on avait trouvé dans la chanson d'Insuavitable. Visage jaune, alors là c'est intéressant parce que c'est comme si on s'adressait à un saint androgyne, à un saint qui recouvrait les deux sexes, à un saint qui représentait à la fois un aspect masculin, un aspect féminin. La couleur jaune se borne à qualifier une condition générale de mal-être, d'irascibilité, de nervosité attribuée à Naples comme ailleurs, généralement aux femmes menstruées. Pozzuoli, oui, dites-moi. Non, allez-y, continuez. À Pozzuoli, par exemple. Pozzuoli, c'est le lieu, la petite ville à côté de Naples, où le saint censé avoir été décapité. À Pozzuoli, on croit qu'employer ces femmes au visage jaune pour le travail des vendanges pourrait faire tourner le vin en vinaigre. Ainsi, ces dernières craignent que leur visage jaune soit découvert par le propriétaire de la vigne qui pourrait les empêcher de travailler. Or, les femmes ménopausées, qui sont les parentes, entrent en relation avec Saint-Janvier en l'assimilant, comme on l'a dit, inconsciemment une femme menstruée ou au contraire souffrant d'aménorrhée. On demande alors au saint de se manifester en changeant l'état de sa substance vitale, de celui dans l'équilibre. Vous voyez, cette hypothèse que j'ai formulée, l'hypothèse d'un lien inconscient entre le sang du saint et le cycle menstruel, pourrait apparaître bizarre, voire même un peu blasphématoire, c'est-à-dire qu'on a du mal à identifier un saint à une femme ayant ses règles. Si vous le dites à Naples, ils vont vous donner des gifles. Or, cette hypothèse, le privilège des scientifiques, des anthropologues, c'est d'essayer d'expliquer, d'interpréter justement le caractère symbolique des choses. Or, cette hypothèse a été implicitement formulée par Freud, pas par n'importe qui, dans l'étude du premier des deux cas qui lui ont servi d'exemple pour illustrer la méthode analytique de la psychopathologie de la vie quotidienne. C'est lorsqu'on oublie des mots étrangers ou intervertit des mots. Freud établit une relation convaincante entre un fait biologique, l'arrêt des menstruations chez une femme napolitaine qui avait eu une relation sexuelle extemporanée avec un étranger, et un système de représentation, la liquéfaction du sang du saint, que le psychanalyste établit comme modèle explicatif. Bon, lui, il termine là où on aurait dû commencer l'analyse, ce que je fais dans mon livre, dans un chapitre de mon livre, mais c'est très intéressant que Freud fasse ce parallèle. Mmh. C'est un texte que je ne comprends pas pourquoi il n'avait jamais été identifié, voilà, jusqu'à présent. Ou mis en avant. Mais dans ce miracle de Saint-Janvier, Salvatore Donofrio, est-ce que, en termes symboliques, on doit voir justement dans ce saint, dans cette interprétation que vous proposez inconsciente, à savoir de, de, de, presque blasphématoire de dire que le sein, qu'il y a une sorte de représentation du cycle menstruel par le sein. Est-ce qu'il faut y voir justement un bouleversement de cette dichotomie qu'on avait fait entre les femmes et l'écoulement volontaire, involontaire des règles, et les hommes et l'écoulement volontaire du sang? Ou est-ce qu'au contraire, il faut voir aussi en fait une manière d'abolir cette frontière et de voir dans le sang une forme de réanimation de la communauté de Naples, une forme de reproduction de l'espèce, puisque il faut quand même le dire, lors de ce miracle de Saint-Janvier, quand le sang passe de solide à liquide, les spectateurs y voient véritablement un signe de bonheur, de bienveillance. Et à l'inverse, exactement, si le sang ne se liquéfie pas, c'est un signe de malheur. C'est un symbole de recomposition de la différence sexuelle, en quelque sorte, par un sein dont on a dit qu'il a un aspect d'androgynie, parce qu'il passe d'une condition quasi féminine, symbolisée par son sang figé en grumeaux, à la fluidité qui caractérise le sang masculin, avatar du sperme par ailleurs. Mm-hmm. Il s'agit d'un sein qui, comme vous le disiez, réanime périodiquement son sang pour renouveler l'alternance naturelle incessante qui, grâce au corps incontournable des femmes, assure la reproduction de l'espèce. Par le peuple de Naples, c'est aussi une manière pour valoriser ce que, dont les hommes ont envie, c'est-à-dire tout ce qui appartient aux puissances physiologiques des femmes, et que les hommes justement manipulent du point de vue symbolique pour pouvoir s'en emparer et pour établir leur domination. Vous avez évoqué le fait de faire de verser volontairement son sang. Ouais. Or, il y a un rituel que j'ai calabré, que j'ai étudié il y a quelques années, sur les flagellants d'un village de 5000 habitants qui s'appelle Nocera Terinese, en Calabre, où j'ai documenté un rituel d'autoflagellation qui, comme vous le savez, était très répandu autrefois en Europe et que nous retrouvons actuellement chez les chiites iraniens. En Calabre, plusieurs communautés, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, des dizaines et dizaines de communautés, non seulement en Calabre, faisaient exactement la même chose qu'à présent font les chiites iraniens. Alors, en quoi consiste ce rituel calabré? Voilà. Le vendredi, déjà, nous sommes en Pâques. Hein? D'accord. Le samedi soir et le vendredi matin, des hommes mûrs parcourent la ville en se flagellant les gras des cuisses en face de la statue de la Vierge. Ils se flagellent aussi à l'extérieur des églises devant des pousses de blé, d'orge, de légumineuses, des pousses que leurs femmes ont cultivées pendant 15 jours dans l'obscurité des maisons. Je vous dis tout de suite qu'on fait cela aussi en Iran et dans les pays de l'ancienne Perse. C'est 250 millions de personnes qui font la même chose qu'en Calabre, c'était une de mes découvertes. Mmh. Devant ces pousses, le blé, d'orge, le sang des flagellants coule copieux. Mm-hmm. Pour interpréter ce rituel, il a fallu prêter attention aux détails. En anthropologie, comme chez les architectes, un détail n'est jamais un détail. Alors, un cordon qui part de leur dos lie les flagellants au nombril d'un de leurs fils impubères, appelé Etcheomo. L'Etcheomo apparaît en quelque sorte comme un fils du dos. C'est quoi un fils du dos? Alors, selon les conceptions de la procréation du sud de l'Italie ou de l'Égypte ancienne et moderne, c'est un fils. Le dos et notamment la squelette retient le sperme. D'accord. Hein, qui circule donc dans le corps. Et la manipulation symbolique des processus vitaux, la fécondité et l'activité cultivatrice, est centrée ici visiblement sur l'inversion des rôles. Pourquoi? Parce que les femmes pratique une culture éphémère et stérile qui est connue en Grèce ancienne sous le terme de jardin d'Adonis, sur lequel a travaillé Marcel de Tienne. Et une culture éphémère et stérile en simulant un processus qui revient aux hommes de développer, alors que les hommes font couler rituellement une fois par an leur sang, comme il arrive aux femmes mensuellement entre la puberté et la ménopause. Donc ce n'est pas du tout une passion christique qui se joue dans cette auto-flagellation, c'est vraiment une inversion des rôles. c'est en partie une question christique, mais c'est vrai que cette question christique, qui apparaît plus que d'autres éléments, couvre ou recouvre ce saignement volontaire des hommes une fois par an, qui, conjointement aux cultures éphémères de la femme, représente sans doute le rapprochement inversé le plus accompli des qualifications des deux sexes. Et alors, cette inversion, oui. Salvatore D'Onofrio, dans quel but elle se fait ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une manière d'égaliser la condition féminine et la condition masculine ? Est-ce que c'est une manière de s'approprier le rôle des femmes, de jouer un autre rôle, ou justement de se dire, bon, bah, voilà, je me suis fait couler mon sang comme les femmes, bon, voilà, l'égalité est assurée. En fait, symboliquement, quelle fonction ça peut détenir cet écoulement du sang de la part des hommes ? Mais la fonction, c'est, là, encore une fois, d'affirmer la domination masculine, à mon avis. Ou bien par inversion, de faire participer chaque sexe de ceux qui appartiennent aux autres, à l'autre sexe. C'est-à-dire une manière de recomposer souvent le rituel, les représentations symboliques de l'aspect physiologique des humains vise à une recomposition qui est à la quête d'un équilibre qui doit être donné aux sociétés humaines pour qu'elles puissent fonctionner. C'est pour cela que cet aspect, on le retrouve, je l'ai retrouvé tel quel dans les cultures indo-népalaises où le saignement, où on fait pas, les hommes ne se saignent pas, on fait saigner la bête dans une action sacrifielle, mais pratiquée par les hommes. Mais au contact des pousses qui sont apportées par les femmes. Et elles sont cultivées, là aussi une culture éphémère, cultivées par les femmes à l'intérieur de leur maison. Donc ce qui est intéressant, Salvatore D'Onofrio, c'est que cette ostentation en fait, du sang, le fait de se faire couler volontairement le sang, est à la fois en fait, une recomposition des rôles masculins-féminins, mais on pourrait aussi y voir une sorte d'offrande. Hein. Il y a quand même le sang, l'idée de ce sang qui coule, qui est presque en fait, une passion. On offre son sang au Christ, et c'est aussi une manière en fait, de souder la communauté, c'est ça, mais en montrant le sang. Exactement, c'est une manière de souder la communauté. Vous l'avez bien dit parfaitement. J'aimerais vous faire écouter Salvatore D'Onofrio parce qu'on arrive bientôt au terme de notre émission. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. J'aimerais vous faire écouter un texte contemporain d'Hervé Guibert l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Sauvé la vie. Voilà, qui date de 1990, qui justement permet d'entendre la différence entre ces rituels où le sang est montré et désormais ce moment où le sang nous met à nu. Je l'écoute volontiers. Le processus de détérioration amorcé dans mon sang se poursuit de jour en jour, assimilant mon cas pour le moment à une leucopénie. Les dernières analyses datées du 18 novembre me donnent 368 T4. Un homme en bonne santé en possède entre 500 et 2000. Les T4 sont cette partie des leucocytes que le virus du sida attaque en premier, affaiblissant progressivement les défenses immunitaires. Les offensives fatales, la pneumocystose qui touche les poumons et la toxoplasmose, le cerveau, s'enclenchent dans la zone qui descend en dessous de 200 T4. Maintenant, on les retarde avec la prescription d'AZT. Bien avant la certitude de ma maladie sanctionnée par les analyses, j'ai senti mon sang tout à coup découvert, mis à nu, comme si un vêtement ou un capuchon l'avait toujours protégé, sans que j'en aie conscience, puisque cela était naturel, et que quelque chose, je ne comprenais pas quoi, les ait retirés. Il me fallait vivre désormais avec ce sang, dénudé et exposé, comme le corps dévêtu qui doit traverser le cauchemar. Mon sang démasqué, partout et en tout lieu, et à jamais, à moins d'un miracle sur d'improbable transfusion. Mon sang nu à toute heure, dans les transports publics, dans la rue, quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux ? C'était un extrait d'Hervé Guibert, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », interprété par Frédéric Pierrot. C'est un très beau texte qu'on vient d'entendre, qui rompt complètement en fait avec les textes qu'on a entendus juste avant d'Aristote ou d'Alexandre Dumas, où là, le sang n'est pas du tout exhibé, mais au contraire, le sang nous exhibe, Salvatore Donofrio. Est-ce que j'ai une minute pour... Allez-y, dire... bien sûr, vous en avez même deux. Il y a deux aspects de ce texte qui m'ont frappé à l'époque, parce qu'on l'avait cité dans le recueil d'articles de Françoise Héritier sur le sida que j'ai soigné pour le Belles Lettres. Un aspect, tout d'abord, ce dialogue que le protagoniste du roman engage avec son corps par le biais de son sang. Un dialogue qui passe par l'enlisement graduel des appareils protectifs jusqu'à là présents dans son corps. Ensuite, j'étais frappé par l'évocation des camps de concentration par rapport au regard. Cela me fait penser à Lévi-Strauss, qui, à partir de Triste Tropique, établit une corrélation très étroite entre la Shoah et les situations catastrophiques qui affligent à l'époque moderne l'humanité. Lévi-Strauss parle à ce propos d'un excès, en y comprenant aussi la pollution. Il parle d'un excès de pouvoir de l'homme, en nous poussant ainsi à creuser la surface des catastrophes pour retrouver au fond notre responsabilité, parce que nous sommes victimes, mais nous sommes aussi coupables, hein, dans la pandémie du Covid comme dans le sida. Par ailleurs, celle contre le sida est une bataille qui, comme on le sait, est encore loin d'avoir été gagné. Ce qui est frappant, effectivement, comme vous le dites, Salvatore Donofrio, c'est que le sang ici n'est plus du tout un fluide vital, mais un fluide mortifère. Exactement. Et qu'il ne contribue pas du tout à renouveler la communauté, la vie, l'espèce, comme on l'a vu dans les rituels, mais au contraire, en fait, c'est comme un lien paradoxal de contamination. Ce qui lie les hommes les uns aux autres, c'est paradoxalement un lien qui peut les tuer. Exactement. Je crois que c'est une très belle conclusion pour cette émission. Eh bien, merci beaucoup, Salvatore Donofrio, d'avoir été avec nous de loin à Palerme, où il fait beaucoup de vent, comme vous nous l'avez dit. Mais le soleil est déjà apparu. Hein. Ah bah alors que nous, à Paris, vous voyez, il fait toujours gris. Voilà. Bon, eh bien, on va voir si ça se découvre dans la journée. Merci encore de vous. On peut lire Les fluides d'Aristote, Les sangs et spermes dans l'Italie du Sud. C'est aux éditions Les Belles Lettres, collection Vérité des mythes. Mais on peut aussi lire Le sauvage et son double aux éditions Les Belles Lettres, toujours dans cette collection Vérité des mythes. Et enfin, L'esprit de la parenté, Europe et horizon chrétien aux éditions Maison des sciences de l'homme. Encore merci. Amico, se da voi duro palermatano. Proprio da cos'è, e io con chi ho l'onore da parlare? Un Rocco Calabrese. Ah, e dovete dirmi qualcosa? Sì, porto un'ambasciata per continuare a frati. Fami! Fare legge in da sta parte, da chi sta vostri gente rispettata, tondi l'onore e leggi l'onorata, tondi non si perdona infamata, non eri malandrino ma tradatori, non eri camorrista ma delinquenti, volisti usanti un povero innocenti. Che assassinaste tu senza pietà. Sangue chiama sangue, e tu ora non vali più niente. A vite non innocenti, ora la paghi tu. A vite non innocenti. Écoutez France Culture, vous écoutez Cimbalo, Sangou, Kiama, Sangou, le sang appelle le sang. Il est 10h54 et c'est l'heure d'appeler la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment affronter la folie? On peut définir la folie de façon simple en apparence. C'est la perte de la raison chez les êtres qui en sont dotés et que peut-être même la raison vient définir, c'est-à-dire au fond, en particulier chez les êtres humains. Les êtres chez qui la raison assure une compréhension du monde, une maîtrise du langage et beaucoup d'autres fonctions vitales encore, et donc chez qui la perte de la raison, ce que l'on appelle la folie, va toucher des fonctions essentielles et peut-être même l'appartenance même à l'humanité dans une certaine tradition qui fait donc de la différence entre folie et raison quelque chose de fondamental. Définir la folie, c'est définir aussi l'humain pour le meilleur et pour le pire. Mais cette définition de la folie, qui cache donc de nouveaux problèmes, a été traitée en philosophie, est au cœur de la philosophie, et il y a un problème historique pour lequel un livre encore récent, un livre de 1960, a une importance fondamentale. C'est le livre de Michel Foucault, intitulé Histoire de la folie à l'âge classique. Dans ce livre célèbre, Michel Foucault montre que la folie n'est pas une idée intemporelle, qu'elle varie selon les époques de la conception de la pensée elle-même, et qu'à l'âge classique, qui définit l'homme par la raison, eh bien la folie, justement, fait l'objet d'une exclusion, une exclusion théorique, une exclusion anthropologique, les fous ne seraient plus des humains, et une exclusion sociale et politique. Il faudra y revenir. Mais ce livre, Histoire de la folie, cache aussi d'autres problèmes. Des problèmes qui apparaissent notamment quand Michel Foucault le réédite en 1971 dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. Il y ajoute alors deux textes en annexe. Un texte de philosophie qui est une controverse avec Jacques Derrida, sur laquelle on pourra revenir, mais aussi un texte peut-être plus surprenant, plus intime, qui cache un autre problème de la folie, peut-être un problème intime à chaque humain, à chaque pensée, un combat avec la folie. Ce texte est intitulé « La folie, l'absence ». D'œuvre. Cette formule, la folie, c'est l'absence d'œuvre, Michel Foucault l'avait employée à propos de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, qui avait été accusé de folie dans sa paranoïa, supposée le fait de se sentir accusé par tous les autres dans son temps. Et Michel Foucault avait montré que la façon dont on pouvait prouver que Jean-Jacques Rousseau n'était pas fou, c'est que même dans son œuvre la plus folle, entre guillemets, les dialogues de Rousseau, juge de Jean-Jacques, eh bien, Jean-Jacques Rousseau, ne serait-ce que parce qu'il avait fait œuvre, qu'il avait affronté la folie dans un livre, n'était pas fou. La folie, c'était donc l'absence d'œuvre. Et l'œuvre est la manière d'affronter la folie. C'est par le langage, par le sens qu'on lutte contre la perte du sens et du langage. Dans ce dernier texte de l'histoire de la folie, cette annexe, la folie, l'absence d'œuvre, Michel Foucault va plus loin encore. La folie, c'est ce qui, dans l'œuvre même, affronte le risque de l'absence d'œuvre. Et avec ses contemporains, comme Gilles Deleuze et beaucoup d'autres, qui parlaient du chaos qu'affronte la pensée, peut-être qu'au fond, le combat avec la folie est intérieur à chaque pensée, qu'il faut donner sens à ce qui menace toujours de le perdre. Castoriadis aussi, autre grand contemporain, l'avait montré. Nous affrontons un chaos intérieur, et le langage, la connaissance, l'histoire aussi, sont aussi nos moyens pour affronter la folie. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui est revenu parmi nous, on est très heureux, qui a été aidé par Antoine Ravon pour cette émission, Manon de la Selle, Carla Michel, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert avec Nicolas Berger à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui Arthur Dumont et Frédéric Pierrot à la lecture des textes. Écoutez cette émission, la réécoutez, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et rendez-vous demain pour la suite de notre semaine sur le sang, allez le sang. Et demain, nous parlerons de Montaigne et de cannibalisme. Et ce sera avec Emmanuel Naya. À demain.